pas que la guitare est un tout petit peu trop forte quand même? Et un peu. Je trouve que we'll be right back. lies, I'm not worth it. Wake me up with indecision. Help me trust your mind and wisdom.